Allez, va. M.N. tu as le droit. Une femme est shootée au mic à droit. Les vieilles accrontent pour qu'on nous gronde. Mais si tu sautes des mauvaises ondes, ils diront que le M.A. n'a pas de voix. Mais as-tu des lyrics colchards? Ils diront que le M.A. sont pas des soldats. Mais qui de toi et moi est prêt pour le combat? Ta Lumba, du cha cha cha, ou la salsa, du souk, du soukous. Un Kinshasa, M.N. sur ce son, pas de haine, pas de peine, ni des peines, ni de thème. Les des chiens, toujours à bouger leurs fesses, alors on caisse. Tcha tcha tcha, enlève ta laisse, laisse-toi faire, laisse ton derrière. Voilà pourquoi elles disent toutes que je suis vulgaire. M.N. Nous avons tous l'âge, donc on se propage. Nous sommes les rescapés des rimeurs à gage. AGE rime avec RAGE, car dans le RAP faut qu'on NAGE. Ah, pour accumuler, car faut spéculer pour accumuler. J't'aurais bien dit que le G c'était pour 10 kills, mais sur ce track R m'a dit laisse tranquille. Le diable perd ses droits là où l'homme est bafoué. Donc le E c'est pour tous mes frères enfermés. AGE, trois lettres après M-E-N-E-M-E-N. AGE de M-A-N, men. Applaudis à te saigner les mains, dansant le boogie boogie jusqu'au petit matin. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Chicken MC, Tadka en falcha. M-E-N. Chaque agile qui nous ont conquis roule sur mon autoroute à droite. Ou tu peux rouler sans crête avec une Bavaria. Laisse, tu t'engraisses, mets tes fesses et gestes. Sont saisis par une quête, la pire espèce. M est cool, face à la foule. Mais de vie combien de gens, on les boule. Face cachée, Fatma déguisée. Fat, bat, mes rimes vont te limer. Wow.